Le pauvre bonhomme était, je t'assure, très mal à son aise hier. Et je crois qu'une marque réelle d'intérêt, et non pas simplement une visite de politesse, lui serait agréable à son âge. Je comprends cela, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire. Et si j'y allais moi-même? Excellente idée, et bien digne de toi, la femme bonne et prévenante par-dessus tout. Chapitre 19. Quoique fort riche, Ladret n'avait pas de maison de campagne. « Ça coûte trop cher, disait-il. Et puis on est envahi par un tas de gens qui viennent s'établir chez vous et dont on ne sait comment se débarrasser. » Partant de ce principe, il aimait mieux s'établir chez les autres, mais sans jamais leur imposer l'ennui de ne pas savoir comment se débarrasser de lui, car ne se trouvant bien nulle part, il ne restait jamais, été ou hiver, plus d'un jour ou deux hors de Paris. Madame Fourcy arriva chez lui à l'heure de son déjeuner, au moment même où il allait se mettre à table. « Comment allez-vous » demanda-t-elle gaiement, comme s'ils s'étaient séparés la veille dans les meilleurs termes. Il fut syncopé. « Du diable si je vous attendais !»« Et pourquoi donc ?»« Vous me le demandez ?»« Ne m'avez-vous pas dit que quand je voudrais venir, je serais la bienvenue ?»« Eh bien, je viens. » Elle le regarda avec son plus gracieux sourire, tandis que de son côté, il l'examinait avec méfiance, se disant que cette étrange visite devait être dirigée contre sa bourse. Pendant quelques instants, il resta silencieux, cherchant un moyen de parer le coup dont il avait le pressentiment. Enfin, il crut l'avoir trouvé. « Après vos adieux, dit-il, j'étais si bien convaincu que nous ne nous reverrions pas que j'ai rendu ce matin les perles noires au bijoutier et qu'en même temps j'ai porté les titres du charbonnage à mon agent de change pour qu'il les vende. » Il la regarda en dessous pour voir l'effet que ses paroles allaient produire. Mais elle ne broncha pas. « Qu'importe, » dit-elle. Elle jeta ces deux mots d'un air si indifférent qu'il poussa un soupir de soulagement. Ce n'était pas pour les perles qu'elle venait, ni pour les actions. Elle avait réfléchi qu'elle avait eu tort de vouloir rompre, et elle revenait. Cela semblait être probable. Il n'avait donc qu'à bien se tenir. Il lui ferait payer les frais de sa révolte. « Avez-vous déjeuné ? » demanda-t-il d'un ton moins hargneux. « Non, puisque je viens déjeuner avec vous. » Il s'épanouit. « Ça, c'est gentil. Nous allons boire du château Yquem, n'est-ce pas ? Une bonne bouteille. »« Volontiers. » On se mit à table, et Madame Fourcy fut ce qu'elle avait été la veille pendant la première partie du dîner, c'est-à-dire tout à fait charmante. Elle se connaissait bien, et si elle avait choisi le déjeuner, c'était parce qu'elle était certaine de s'y montrer tout à son avantage. Elle avait surtout une manière de boire à petits coups, en passant la langue sur ses lèvres, en les tétant doucement, qui était des plus gracieuses et si ravissantes pour ceux qui ne la regardaient pas avec des yeux indifférents, que bien souvent Ladret, transporté d'enthousiasme, s'était écrié « Comment ne se ruinerait-on pas pour une petite femme comme ça, et avec plaisir encore ?» Qu'il se ruina avec ou sans plaisir, ou tout au moins qu'il ne compta pas, c'était ce qu'elle voulait présentement. Aussi retourna-t-elle plus d'une fois au château Yquem. Cependant, elle ne parla de rien, ce qui n'était pas possible devant le domestique qui les servait. Aussi Ladret en arriva-t-il à se persuader qu'elle était venue pour se réconcilier, tout simplement, ce qui, à dire vrai, lui paraissait tout naturel. Mais alors, pourquoi diable avait-elle voulu rompre ? Ce fut la question qu'il lui adressa lorsqu'après le déjeuner, ils restèrent en tête à tête et qu'ils n'eurent plus d'oreilles indiscrètes à craindre. « Pourquoi avons-nous eu des querelles depuis que nous nous connaissons ? » demanda-t-elle au lieu de répondre franchement à cette question. « Tantôt pour ceci, tantôt pour cela, mais je ne dirai pas précisément pourquoi, je ne m'en souviens pas. Nous nous sommes toujours fâchés parce que vous n'avez jamais eu égard à mes observations et à mes plaintes, toujours les mêmes. « Cela n'est pas juste. Rien n'est plus juste, au contraire. Et vous savez bien que rien ne pourrait me causer une plus grande douleur, une plus profonde humiliation, que de me traiter en femme d'argent, comme vous dites. Mais si j'avais été une femme d'argent, il y a longtemps que je vous aurais ruiné, mon pauvre ami. » il ne trouva pas à propos de laisser échapper les paroles qui lui venaient aux lèvres et qui étaient que si elle ne l'avait pas ruiné, c'était parce qu'il ne lui en avait pas laissé la liberté. Puisqu'elle faisait les premiers pas de la réconciliation, il devait faire les autres. « En quoi vous ai-je traité hier en femme d'argent ? » demanda-t-il. « En m'offrant cet écrin comme vous me l'avez offert, pour que je sois gentille, comme si vous vouliez acheter cette gentillesse. C'est par cela que j'ai été blessée, et c'est ainsi qu'a commencé cette querelle qu'une mauvaise disposition chez moi, oh joliment mauvaise, a poussé jusqu'à la colère folle. Vous en convenez ? Parfaitement. Est-ce que je ne conviens pas toujours de mes torts ? Et vous, conviendrez-vous maintenant des vôtres ? » Il resta ébahi. « Mais quel tort ai-je donc eu ? » demanda-t-il. « Celui de vous montrer homme d'argent dans une pareille circonstance. »« Homme d'argent ? En vous apportant des perles qui... »« Vous voyez bien, vous alliez dire ce qu'elles vous avaient coûté. »« Mais si grosse que fut la somme, était-ce là ce que vous deviez m'offrir dans cette circonstance ?» Il se montra de plus en plus stupéfait. « Mais quelle circonstance ? » demanda-t-il. « Vous ne me direz point, n'est-ce pas, que vous ne saviez pas que Hennecart venait de se brûler la cervelle et que toutes ses affaires venaient de s'effondrer à la bourse ? Vous ne me direz pas non plus, n'est-ce pas, que vous ne saviez pas que j'avais des opérations engagées dans ses affaires ? Est-ce en un pareil moment que vous deviez m'offrir des perles d'un air triomphant ? Mais je ne savais rien de tout cela. Allons donc, ne dites pas cela. Dites-moi plutôt qu'avec ces perles, vous avez voulu vous en tirer à bon compte. C'était ingénieux, j'en conviens, mais ce n'était pas généreux. Me tirer de quoi ? Savez-vous ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été à votre place ? Moi que vous accusez d'être une femme d'argent ? Eh bien, au lieu de vous offrir des perles, je vous aurais offert de l'argent. En tout cas, je me serais mise à votre disposition. Que vouliez-vous que je fisse de vos perles ? Et en quoi ce cadeau, économique, pouvait-il me toucher au moment où je venais d'apprendre que j'avais à payer 300 000 francs ? 300 000 francs ? S'écria-t-il comme s'il avait été frappé d'un éclair qui lui montrait enfin ce qu'il avait été si longtemps sans voir. « Oui, 300 000 francs que j'ai perdus et que je dois payer avant samedi. » Elle le regarda à la dérobée, mais il avait déjà eu le temps de mettre sur son visage un masque qui ne laissait rien paraître. Alors elle continua. « Savez-vous ce que j'attendais de vous, en nous trouvant seuls ? L'offre de m'aider, car vous savez bien que je ne peux pas payer ces 300 000 francs, et non l'offre de ces perles, qui dans un pareil moment était une dérision pour moi. » Mais encore un coup, je ne savais rien du désastre d'Hennecart, que j'ai appris le soir seulement en rentrant à Paris. Oui, mais moi j'ai cru que vous le connaissiez, comme je le connaissais moi-même, et c'est cette croyance qui m'a fait perdre la tête. Vous devez comprendre maintenant qu'elle n'était pas bien solide, car je suis affolée. » Elle se tut, n'ayant plus qu'à le voir venir. Mais il demeura longtemps silencieux, et il le fût demeuré toujours s'il avait pu. Cependant, il fallait qu'il parlât. « Comment diable avez-vous eu confiance en Hennecart ? » dit-il. « Que diable allais-je faire dans cette galère, n'est-ce pas ? C'est là tout ce que vous trouvez à me dire. Cela n'a pas d'intérêt maintenant. Ce qui en a un, ce qui est une question de vie ou de mort pour moi, c'est que j'y suis et qu'il faut que j'en sorte. Ou plutôt qu'on m'en sorte, car il est certain que je ne peux pas m'en tirer moi-même toute seule. » De nouveau, elle se tut et elle attendit, car à une demande ainsi posée, il fallait bien qu'il répondît. Il fut longtemps, très longtemps à se décider. Certainement, dit-il en lui prenant la main qu'elle lui abandonna, si j'avais ces 300 000 francs, je serais heureux de te les offrir, mais je ne les ai pas. Elle retira sa main. Vous n'avez qu'un mot à dire pour les avoir demain, ce n'est donc pas parler sérieusement. Ou vous m'aimez et vous pouvez me le prouver, mais je t'adore. Ou vous ne m'aimez pas et vous pouvez aussi me le prouver. L'heure est venue de faire l'une ou l'autre de ces deux preuves. De me sauver si vous m'aimez, de me tuer si vous ne m'aimez pas. Car vous devez bien comprendre que c'est ma vie qui est en jeu en ce moment. Si je ne peux pas payer, mon mari sera averti par la parisière. Il ne pourra pas plus payer que je ne le peux moi-même. Il faudra vendre la maison, vendre le mobilier. Alors la vérité se découvrira et je n'aurai plus qu'à mourir, tué deux fois par vous, qui m'avez imposé ce mobilier que je ne vous demandais pas, et qui m'avait refusé la somme qui peut me sauver, et que je vous demande. » Sur ces derniers mots, elle se leva, pâle et frémissante. Elle attendit. « Mais je ne les ai pas, » répéta-t-il au bout d'une minute, terriblement longue pour elle. « Non, je ne les ai pas, parole d'honneur. » Elle fit deux pas vers la porte. Il la suivit. « Ne te fâche pas, ne t'en va pas, je t'en prie, » dit-il. « Nous tâcherons d'arranger cela. Toi, de ton côté, en faisant un sacrifice, tu as des bijoux. Et moi, du mien, en... » Sans répondre, elle continua d'avancer vers la porte. « Veux-tu 50 000 francs ?» Elle ne s'arrêta point. « Eh bien, j'irai jusqu'à 60 000. Je ne les ai pas, mais je les trouverai. C'est une grosse somme, 60 000. Plus tard, nous verrons. Ne t'en va pas. » Et lui prenant les deux mains, il la retint. Elle ne les retira point, mais se tournant vers lui, longuement elle le regarda, tremblant devant elle, partagée entre la peur de la perdre et la peur de perdre son argent. « Eh bien, 100 000 !» murmura-t-il. « Veux-tu ? Oui, 100 000. » Elle ne partit point. Chapitre 20. Madame Fourcier était revenue à Nogent, n'ayant rien pu obtenir de plus que ses 100 000 francs, au moins de positif et de certain, car pour les promesses, Ladret en avait été prodigue. Il lui en avait fait de toutes sortes, mais pour plus tard. Attendu qu'à l'heure présente, il était réellement embarrassé. Lui aussi s'était engagé dans de mauvaises affaires. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas, même aux plus habiles. Elle en savait personnellement quelque chose. Mais plus tard, il recouvrait sa liberté d'action. Et alors, oh alors, elle n'avait pas été dupe de ses protestations, qui à ses yeux n'étaient que des précautions. Il voulait s'assurer contre une nouvelle tentative de rupture et la tenir solidement au moyen de l'appât des sommes complémentaires qu'il lui remettrait par fractions pour qu'elle fût gentille et par versements échelonnés, de façon à ce que de longtemps elle ne pût pas lui échapper. Maintenant, comment se procurer les 200 000 francs qui lui manquaient sans vendre ses bijoux, comme Ladret avait eu la bassesse de le lui proposer? C'était sous l'oppression de cette question qu'en voyant Robert rentrer, elle lui avait jeté les quelques mots qui l'avaient si fort étonné. Il avait la générosité de la jeunesse, celui-là, et il ne comptait pas avec sa passion. Il n'y aurait pas de scène à lui faire. Les choses iraient toutes seules. Elle n'aurait pas à se mettre en peine, à chercher, à se contraindre. Et cela était heureux, car elle ne se sentait pas en bonne disposition. Déjà, avec Ladret, elle avait été très faible. Elle s'en rendait parfaitement compte, ayant été raide quand elle aurait dû être tendre, cassante quand elle aurait dû plier. Ce n'était pas ainsi qu'elle aurait dû le prendre. Bonne quand il ne s'agissait que de petites sommes, cette manière s'était trouvée détestable quand il avait été question de 300 000 francs. Décidément, rien n'était plus mauvais que de jouer la comédie avec son tempérament. C'était d'après le tempérament de ceux sur qui on voulait agir qu'il fallait la jouer. Elle s'en souviendrait. Mais ce serait plus tard qu'elle profiterait de cette leçon. Car présentement avec Robert, ce ne serait pas jouer la comédie qu'il faudrait, mais tout simplement exposer les choses telles qu'elles étaient. Elle avait spéculé, elle avait perdu, elle ne pouvait pas payer. Voulait-il, pouvait-il lui trouver les 200 000 francs qui devaient la sauver? Et ce ne serait pas 300 000 francs qu'elle lui demanderait, comme tout autre à sa place ne manquerait pas de le faire, mais simplement 200 000, les 200 000 qui lui étaient indispensables. En agissant ainsi, et avec cette discrétion, n'était-ce pas prouver, au moins se prouver à soi-même, qu'elle n'était pas une femme d'argent, comme le prétendait ce vieux gredin de Ladret? Si elle avait été âpre à l'argent, elle eût profité de cette occasion pour demander 400 000 francs à Robert. Et telle qu'elle le connaissait, elle était certaine qu'il n'eût pas hésité à les emprunter pour les lui donner. Cependant, lorsque cette idée se fut présentée à son esprit, elle eut un moment d'hésitation. N'était-ce pas réellement tentant de gagner 200 000 francs avec cette facilité? Et justement pour la dernière fois qu'elle faisait une affaire d'argent? Mais ce ne fut qu'un éclair. Bien vite, elle rejeta loin d'elle cette mauvaise pensée qui, si elle la réalisait, lui laisserait assurément un remords. Elle ne voulait pas qu'il y eût des remords dans sa vie. Si sa jeunesse avait été tourmentée par des soucis, elle voulait que son âge mûr et sa vieillesse fussent tranquilles. Ce ne fut que dans la seconde partie de la nuit qu'elle put aller trouver Robert, car Fourcy, ayant été pris d'un accès de fièvre assez violent, elle resta près de lui à le soigner, à le veiller, et malgré la hâte qu'elle avait de terminer cette affaire des 200 000 francs, elle ne voulut pas quitter son mari avant de l'avoir vu endormi d'un sommeil calme qui lui donnait à espérer que cette indisposition subite n'aurait pas de suite. Pour Robert, cette longue attente avait été exaspérante, partagée qu'il était entre la crainte et l'espérance, et allant de l'une à l'autre, continuellement ballotté, entraîné sans pouvoir se fixer à rien. À quel mobile obéissait-elle en voulant le voir? À un élan d'amour? À un élan de désespoir? Et les heures s'écoulaient minute par minute, qu'il comptait une à une. Elle ne venait pas. Il écoutait, rien que le silence. Depuis longtemps déjà, toutes les portes étaient fermées. Aucune ne se rouvrait. Tous les bruits étaient éteints dans la maison endormie et au dehors dans la nuit calme. Enfin, ses oreilles, que l'anxiété faisait plus fines que de coutume, entendirent un léger craquement, puis un autre, puis un brissement à peine perceptible. C'était elle. De la porte de la chambre où il s'était avancé, il la vit se dessiner en blanc dans l'ombre de l'escalier qu'elle montait sans lumière. Encore quelques marches, encore une, et silencieusement, sans un mot, elle fut dans ses bras. Mais se dégageant aussitôt, elle alla à la cheminée sur laquelle brûlait une bougie qu'elle souffla. Alors seulement elle revint à lui. « Morte, dit-elle, morte de frayeur et d'angoisse. » Il voulut la tirer, mais doucement elle se défendit. « Écoute-moi, dit-elle, je t'en prie, écoute-moi, et tu vas comprendre pourquoi je suis dans cet état de crise qui m'a fait tout braver pour venir te trouver, ce qui est folie. » Elle s'était assise près de lui, tout contre lui, lui tenant les deux mains dans les siennes, les serrant, les étreignant. « C'est un aveu, dit-elle en soufflant ses paroles, un aveu que j'ai à te faire. Tu t'es demandé plus d'une fois, n'est-ce pas, comment avait été payé le mobilier de cette maison et le bien-être qui nous entoure. Je ne sais quelle réponse tu as pu te faire, mais je vais te révéler la vérité. J'ai depuis longtemps engagé des spéculations par l'entremise de la parisière, et elles m'ont fait gagner quelque argent. » Il fut pour l'interrompre et lui dire « Je sais tout. » Mais comment lui dire en même temps « J'ai voulu te sauver et je ne peux rien pour toi. » Comme il réfléchissait à cela, désespéré par son impuissance, elle poursuivit. « Mais après avoir gagné, j'ai perdu. Le désastre Hennecart vient de me coûter 200 000 francs qu'il faut que je paye avant samedi et que je viens te demander de me faire trouver en les empruntant toi-même. » Cette fois, il ne put pas se taire. Puisqu'il était ainsi mis en demeure, ne devait-il pas parler et franchement tout dire? Pourquoi me demander 200 000 francs quand tu en dois réellement 300 000? Et quoi? Mais il ne lui laissa pas le temps de l'interroger. Hier soir, dans le jardin, j'ai entendu ce que la parisière t'a dit en passant devant les arbustes derrière lesquels je me trouvais. Tu étais là? J'étais là, caché pour vous écouter et vous surprendre. En voyant les signes mystérieux qui s'étaient engagés entre vous pendant le dîner, j'avais été pris d'un accès de jalousie folle, et j'avais voulu savoir « Me le pardonneras-tu jamais ?» Et il se mit à genoux devant elle, comme pour l'implorer. Mais elle ne le laissa point dans cette position. « Oh, le pauvre enfant » dit-elle en le relevant, « le pauvre fou !»« Si tu savais ce que j'ai souffert, si tu savais ce que je souffre maintenant de cette lâcheté, mais cela me soulagera de l'avoir confessé. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moment de me plaindre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi. Pourquoi 200 000 francs ?» Elle avait eu le temps de profiter de l'émotion de Robert pour trouver une réponse à cette question, qui tout d'abord l'avait surprise. « Parce que je suis décidée à accomplir un sacrifice qui m'est cruel plus que je ne saurais le dire, mais pour lequel, j'en suis certaine, j'aurai ton autorisation et ton approbation. Ce sacrifice, c'est de vendre les bijoux que tu m'as donnés. » « Jamais. » « Mais il le faut. Jamais je ne souffrirai cela. Et puisque tu parles d'approbation, jamais je ne te donnerai la mienne. Comment as-tu pu avoir la pensée de te séparer de ces souvenirs de tendresse? Ils ne te disent donc rien. » Ils me disent que tu es un cœur généreux, et c'est parce qu'ils m'ont dit cela que dans ma détresse, la pensée m'est venue de m'adresser à toi. Eh bien, puisqu'ils t'ont dit cela une fois, il faut que tu les gardes pour qu'ils te le répètent. Tu auras tes 300 000 francs. Mais comment ? Ah, cela, je n'en sais rien, car je dois t'avouer que je les ai cherchés aujourd'hui sans les trouver. Toi ? Si tu as eu la pensée de me les demander, ne devais-je pas avoir la pensée de te les offrir ? Je les ai donc cherchés. Mais si je ne les ai point trouvés aujourd'hui, je les trouverai demain. N'importe comment, je les trouverai. Quand je devrais les demander à mon père. Quand je devrais les voler. Oh, mon enfant, ne parle pas ainsi. Et pourquoi ? Un crime, n'est-ce pas une preuve d'amour ? La plus grande preuve qu'un honnête homme puisse donner à celle qu'il aime ? Et je voudrais tant te prouver combien. Jusqu'où je t'aime. Et la prenant dans ses bras, il l'étreignit longuement. Cette fois, elle ne le repoussa pas, elle ne se dégagea pas, car si calme qu'elle fût ordinairement, si maîtresse de soi, si froide, elle avait été émue par ce cri d'amour, et un peu de la flamme dévorante qui était en lui avait passé en elle. « Oui, tout à toi, tout pour toi, » murmurait-il en mots entrecoupés. « Ma vie, mon honneur, tout, tout pour toi. » Mais tandis qu'il restait anéanti dans son ivresse passionnée, elle retrouvait vite son calme. « Tu sais, » dit-elle, « que ce que je te demande et ce que tu me promets est un acte de folie. » « Tant mieux. Un acte de folie qui peut me perdre si l'on vient jamais à découvrir comment et pour qui tu t'es procuré cette somme. On ne le découvrira jamais. On peut le découvrir. L'autre nuit, je t'expliquais quel danger je courais. Ils vont être bien plus grands encore. Il faut, autant que possible, les détourner. Je te demande donc de suivre le plan que je t'avais tracé. Et puis je te demande aussi de m'apporter un bracelet en pierre fausse, exactement pareil à celui que tu m'as donné, et qui peut si malheureusement guider les soupçons. Si je vois ces soupçons se former, ce bracelet en pierre fausse peut me devenir très utile pour les détourner.